les jours assise à sa machine. Pour son magazine, elle répond aux lettres. Elle est le seul espoir, la seule issue pour l'amant déçu, pour ceux qui n'y croyaient plus. Et c'est vrai qu'elle donne confiance, et c'est vrai qu'elle porte chance. Mais le soir venu, elle rentre seule à la maison. Le facteur n'a jamais de lettres, la fleuriste jamais de fleurs. Et personne ne dit je t'aime à la mal-aimée du courrier du cœur. Et chacun montre sur la piste le visage qu'il veut montrer. Mais on dit que le clown est triste quand le spectacle s'est terminé. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Elle a eu pourtant des aventures, de celles qui durent le temps d'une promesse. Un de perdu, pas un de retrouvé, et personne à qui écrire pour se confier. Et pourtant elle donne confiance, et pourtant elle porte chance. Mais le soir venu, elle rentre seule à la maison. Le facteur n'a jamais de lèvres, la fleuriste jamais de fleurs. Et personne ne dit je t'aime à la mal-aimée du courrier du cœur. Et chacun montre sur la piste le visage qu'il veut montrer. Mais on dit que le clown est triste quand le spectacle s'est terminé. La la la la la.